dernier avertissement. Le commandant Joski Kambokuta a eu problème en main. Phénomène sans frontières. Onos Libambi, le Finlandais le plus demandé. Misha Misova, oh, mama kambo, olinga chérie, na koma kobanga, oh, mama kambo, na leka partouvé, na koma kobanga, oh, mama kambo, le misano ke, na zoa équilibre, oh, mama kambo, le misanga moke, no kiba se kanga mama. Jacques Tezo, Bibi Mungu, Clément Mbengai. Yeah.